يا المويل عضو الطيب انتك بالسلامة سعدها نداها للعز والدلامة. ها جينيراسيون ويشتا صلاح ماجيك صلاح بروت ستوديو تيو تيو Amina l'mouima, que ton cœur nous réchauffe comme le climat. Qu'Allah exauce toutes tes prières. Que ta bénédiction nous recouvre de sa lumière éternelle. Et ton instinct maternel, je l'ai toujours su depuis l'école maternelle. Je sais que pour toi, intense est le moment. De joie, tes larmes coulent comme des diamants. Ma princesse, aucune autre ne m'intéresse. Y'a que le halal qui m'intéresse. Dans le halal, on sera à l'aise. On est des gens de famille. Je respecte ma belle-mère. Donne-moi la main de ta fille, Walida. Hey, Ameja. Avec les refouches, Haja. N'aie pas peur à la Haja. T'auras le plus beau mariage. Je lui resterai fidèle. BXL, c'est pas Dallas. Bébé, on part en lune de miel. Prépare-toi pour le décollage. Sagretiye l'ommi ma. Wedaï beti sir. Ya farahiye l'ommi ma. Ya wedaï beti sir. قالوا تسلاني المحبوب قلت بمن قالوا تسلاني المحبوب قلت بمن يا يا لمي ما ودعيني بنتك بس.